one in a fucking name. TV, I was on a fucking name. Fils de pute, tu parles de moi. Enculé. Toi tu me connais. Vas-y bouge ta merde. Bouge ta merde. Il paraît que tu me connais. Rien à foutre de ta vie. Tu parles de moi. Tu caches du sucre dans mon dos. C'est qui t'a fait grailler quand t'étais dans la merde. T'es venu me voir, tu t'es pris chez moi, comme un refrain. T'as essayé de me niquer, n'essaye même pas de me la refaire. Je vais te le dire une dernière fois, appelle-moi Major Mike. Si tu vois une larme, c'est qu'un de mes amis est mort. Car je n'ai rien à foutre de tous les autres. Avec moi y'a ma bande, y'a aussi ma famille. Rien à foutre des béquilles, rien à foutre des tantouses. Dans cette vie que des mythomanes, y'a aucun vrai bonhomme. Ils se la jouent tous bonhomme, ils jouent tous les gangsters. Y'en a pas un de vénère, qu'est-ce tu veux que je t'enterre. À coup de pelle que je te brûle, ta famille moi je m'en bats les couilles. N'essaye même pas de me tester, tu le sais. Mon visage, tu connais, c'est pas la peine que je te le montre. Pas changer d'adresse, ni de numéro de téléphone. Ne joue pas les vénères, les gangsters, les gros durs. Tu fais pas le poids, face à moi, tu me connais pas. Tu parles de moi, mais qu'est-ce que tu connais de ma vie. Tu veux que je te trucide à coup de tournevis. Rien à foutre, moi je te mets la fiche. Et jamais je me tape la fiche. C'est vrai qu'on peut me dire beaucoup de choses sur moi, mais je m'en bats les couilles. Car la vérité que je te dis, c'est que le respect je l'ai. Que tu sois un dealer, un violeur, un braqueur, un toxico, rien à foutre. L'essentiel c'est que tu saches c'est quoi le respect. Alors si tu veux venir me péter, vas-y je t'attends, je serai le premier à te tirer dessus. Arrête de faire le malin, sinon je te brise les reins. Ok, ne joue pas les bad boys. Ne joue pas les bad boys. Je te l'ai dit, ne joue pas les vénères. Non, je ne suis pas un gangster. Je sors pas de la tête. Je sors de la da. Rien à foutre des meufs qu'on le da. Elles veulent de moi pour faire du da. Quoi da. Mais moi je m'en bats les couilles. Ne joue pas les gangsters, ne joue pas les vénères. Car sinon tu vas me trouver, ne me cherche pas. Hey, je suis vénère, je suis un fou dans ma